Apportez-moi vos papiers et ne dites rien de vos espérances à personne, pas même à notre vieille cousine bête. » Lisbeth ? S'écria Madame Hulot, achevant de comprendre la fin sans deviner les moyens. Je puis vous donner des preuves de mon savoir en faisant le buste de Madame, ajouta Venceslas. Frappé de la beauté de Madame Hulot, depuis un moment l'artiste comparait la mère et la fille. Allons, monsieur, la vie peut devenir belle pour vous, dit le baron, tout à fait séduit par l'extérieur fin et distingué du comte Steinbock. Vous saurez bientôt que personne, à Paris, n'a longtemps impunément du talent et que tout travail constant y trouve sa récompense. Hortense tendit au jeune homme, en rougissant, une jolie bourse algérienne qui contenait 60 pièces d'or. L'artiste, toujours un peu gentilhomme, répondit à la rougeur d'Hortense par un coloris de pudeur assez facile à interpréter. Serait-ce par hasard le premier argent que vous recevez de vos travaux ? Demanda la baronne. Oui, madame, de mes travaux d'art, mais non de mes peines, car j'ai travaillé comme ouvrier. Eh bien, espérons que l'argent de ma fille vous portera bonheur, répondit madame Hulot. Et prenez-le sans scrupule, ajouta le baron en voyant Venceslas qui tenait la bourse à la main sans la serrer. Cette somme sera remboursée par quelque grand seigneur, par un prince peut-être, qui nous la rendra, certes, avec usure, pour posséder cette belle œuvre. Oh, j'y tiens trop, papa, pour la céder à qui que ce soit, même au prince royal. Je puis faire pour mademoiselle notre groupe, plus joli que ce... Ce ne serait pas celui-là, répondit-elle. Et comme honteuse d'en avoir trop dit, elle alla dans le jardin. Je vais donc briser le moule et le modèle en rentrant, dit Steinbock. Allons, apportez-moi vos papiers et vous entendrez bientôt parler de moi, si vous répondez à tout ce que je conçois de vous, monsieur.